troisième temps de notre semaine consacrée à l'histoire de la santé publique. Ce matin, nous faisons le point sur les dernières recherches sur la santé publique dans son rapport à la colonisation. Après avoir évoqué hier la tuberculose dans un documentaire sur la cité de Clairvivre construite en Dordogne dans l'entre-deux-guerres, c'était un documentaire de Sarah Masson et Dan Fleury que vous pouvez réécouter sur notre site. Nous nous intéressons ce mercredi au rapport qu'ont entretenu médecins, infirmières, épidémiologistes et sages-femmes avec les colonisés et le regard qu'ont porté ces derniers sur les politiques de santé que la France développait chez eux en Afrique du Nord comme en Afrique subsaharienne. Quel regard portaient les forces de santé coloniale sur les populations autochtones? Quelle place avait la hiérarchie des races élaborée au 19e siècle dans les soins apportés aux colonisés? Comment cohabiter médecine traditionnelle et médecine coloniale? C'est parmi beaucoup de choses ce que nous verrons ce matin avec Anaïs Quin qui a préparé cette émission avec nous et des textes lus par Daniel Königsberg, des textes qui seront commentés par nos trois invités, Delphine Peretti, elle est docteur en histoire, enseignante à l'université d'Aix-Marseille et elle sera en duplex avec nous depuis les studios d'Aix de Radio France. Elle est auteure d'une thèse « Corps noir et médecins blancs » qui sera publiée dans quelques temps. Claire Fredge est maître de conférence à l'université de Paris-Ouest-Nanterre La Défense. Elle est auteure entre autres, du journal d'une femme médecin en Algérie, publié chez Belin en 2015. Et également avec nous, Olivier Lecourt-Grandmaison, il est universitaire à Évry-Val-d'Essonne, et il est auteur de L'Empire des hygiénistes, vivre aux colonies, paru chez Fayard en 2014. Bonjour Anaïs Quin, bonjour Delphine Peretti, vous êtes en duplex avec nous depuis Aix-Marseille. Bonjour. Bonjour Claire Fredge. Bonjour. Et bonjour à vous Olivier Lecourt-Grandmaison. Pourquoi est-ce que la colonisation, c'est une bonne façon de l'aborder par l'intermédiaire de la santé publique, vous qui êtes l'auteur de l'Empire des hygiénistes, vivre aux colonies? Par le biais de la santé publique et plus précisément de l'hygiène publique, parce qu'effectivement très vite se pose pour... les autorités à la fois métropolitaines et coloniales un problème important qui est que l'Empire sous la Troisième République a cru extrêmement rapidement. Mais il ne suffit pas d'avoir des militaires, des fonctionnaires et des colons. Encore faut-il que ceux-ci puissent vivre durablement aux colonies, les faire vivre, pour reprendre cette expression empruntée à Michel Foucault. D'où le développement significatif et rapide d'une hygiène coloniale. Je précise hygiène parce que le contexte de l'époque du point de vue de la médecine est plutôt celui d'un retard de la médecine, disons, coloniale française comparativement à la médecine britannique. Avec une mortalité beaucoup plus forte de ceux qui se rendent dans les colonies. Avec des du taux, côté des Français par rapport à ceux qui... Des qui taux de mortalité et des taux de morbidité qui sont effectivement extrêmement significatifs et qui parfois même ont contribué à ralentir des opérations à la fois politiques, militaires et diplomatiques, pourtant extrêmement importantes. Je pense en particulier... à l'opération militaire préparatoire à l'envahissement et à la conquête de la Tunisie du 1881, deux divisions stationnées à Toulon et Marseille, épidémie de typhoïde, 5000 malades et 844 morts. Donc c'est énorme. Et d'où effectivement la nécessité pour les autorités métropolitaines comme les autorités coloniales donc de développer très rapidement une hygiène coloniale préventive. Anaïs Quin. Oui, Claire Fredge, à lire vos travaux à tous les trois, on se rend très vite compte que finalement l'histoire coloniale est une histoire éminemment médicale et il y a une importance extrême de certains personnages dans cette histoire coloniale, c'est le rôle des médecins et du personnel médical de manière générale. Oui, alors comme l'a dit Olivier Lecourt-Grandmaison, c'est vrai que d'abord il y a la question de comment soigner les troupes qui sont censées donc mettre en... enfin, coloniser des territoires, mais disons après la question de la santé publique quand même va particulièrement concerner les populations colonisées. Et parce que finalement l'hygiène peut concerner plusieurs types de populations, la santé publique... selon des modalités différentes du côté des colonisés et du côté des colons. Tout dépend en fait des colonies où il y a beaucoup de, enfin où il y a des populations blanches relativement importantes, mais à ce moment-là peuvent se mettre en place une médecine privée et puis aussi une médecine plus publique, mais la médecine publique dans l'ensemble, que ce soit en Afrique ou en Asie, la médecine publique vise plus particulièrement les populations colonisées. Et c'est pour ça, Delphine Peretti, que vous êtes nombreux et nombreuses à travailler sur ce domaine. Vous avez soutenu votre thèse qui paraîtra bientôt sous le titre « Corps noir et médecin blanc ». On peut aussi citer les travaux de Laurence Monet sur la santé en Indochine et bien d'autres. Il y a maintenant, disons, une masse critique de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur cette question justement de la santé et des colonies. En effet, parce que les médecins portent un regard sur les populations africaines, un discours qui est écouté au XIXe siècle en France, dans ce siècle du scientisme. Donc ils apportent un regard d'expert, en fait, sur les corps noirs, à la fois dans une finalité scientifique. Le but est d'affiner la taxinomie raciale en étudiant ces corps noirs, mais également dans une finalité pratique. Le but est tout d'abord de soigner, comme disait Olivier Lecourt Grandmaison et Claire Fred, de soigner les colons qui se trouvent aux colonies, mais ensuite de veiller aussi à la préservation de la santé des indigènes en vue de la mise en valeur des colonies, mais aussi après 1857, et la création du corps des tirailleurs sénégalais, en vue de recruter donc des soldats. Et on peut dire effectivement qu'on part avec dans son bagage certaines idées reçues, parmi celles-ci effectivement les idées reçues sur les Africains et sur les Africaines. Un extrait du Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse à l'article « Femmes ». Les femmes, comme les hommes de la race nègre, sont portées à la lascivité beaucoup plus que les femmes blanches. La nature semble avoir accordé aux fonctions physiques ce qu'elle a refusé aux fonctions intellectuelles de cette race. Leurs organes sexuels offrent, en outre, une disposition particulière qu'on ne rencontre qu'exceptionnellement ailleurs. Les petites lèvres et le clitoris présentent un tel développement que dans certaines contrées, on en pratique l'excision. Commentaire, si vous le voulez, de ce texte, cet extrait du Dictionnaire universel de Pierre Larousse, grand républicain devant l'éternel, Delphine Peretti. Alors là, en fait, on a la diffusion, la vulgarisation scientifique de discours tels que le médecin naturaliste Julien-Joseph Viret au début du XIXe siècle. Et on voit comment ces discours médicaux, en fait, se diffusent au sein de la population lettrée et éclairée, la population française, donc dans le Grand Dictionnaire universel Larousse. On voit aussi et surtout la focalisation de ces médecins sur les attributs sexuels des Africains et notamment des Africaines, parce que donc les Africains sont considérés comme prédisposés à la sexualité, donc tous les ramènent à leur corps, en fait, à cette époque, et pas à travers l'analyse des corps et des attributs sexuels, on justifie ensuite, comme on le voit dans cet extrait, des pratiques comme l'excision. Parce que donc leur organe génital est considéré comme disproportionné, donc l'excision est justifiée de ce fait. Anaïs Quien. Oui, Olivier Lecourt Grandmaison, dans cette lecture, on entend bien à quel point la description sert le fantasme pour confirmer l'infériorité et donc la domination coloniale sur ces peuples. Oui, je le dirais un peu autrement, dans la mesure où le texte, l'extrait qui a été lu, est effectivement la reprise de toute une série de représentations et de conceptions, mais rappelez qu'à l'époque, ces textes, qui circulent effectivement abondamment entre les disciplines, ne sont pas du tout perçus comme l'expression du préjugé ou l'expression d'un fantasme, mais au contraire perçus comme étant l'expression d'une vérité et d'une vérité scientifiquement établie, ce qui permet de comprendre effectivement l'extraordinaire diffusion à la fois horizontale et transdisciplinaire de ce type de représentation, et également aussi l'influence, disons, plus verticale et la diffusion, notamment vers les médecins. Il y a effectivement un spectre qui hante notamment à la fois les hygiénistes et le personnel fonctionnaires, militaires et plus largement les colons, c'est celui de l'indigénisation, c'est-à-dire du ravalement de l'homme blanc à la fois psychologique et physique au rang de l'indigène. Et un des éléments essentiels de cette indigénisation, c'est notamment les possibles relations sexuelles entre hommes blancs et négresses, comme on le dit à l'époque, et l'idée qu'effectivement, à raison même de la singularité physique et psychologique de cette négresse, réputée avoir des pulsions sexuelles extrêmement importantes, la thèse étant au fond celle-ci, l'épuisement à la fois physique et psychologique de l'homme blanc, d'où les recommandations et la proscription, alors qu'il n'est pas forcément évidemment suivi des faits, des relations sexuelles interraciales entre blancs et noir. Et cela, vous qui êtes spécialiste de l'Algérie, se peut se porter aussi sur des populations qui ne sont pas forcément des populations noires, en l'occurrence. Claire Fredge, ça se porte aussi sur la distinction entre arabes et berbères. On classifie, on est dans un siècle de la classification, le 19e siècle, et cette classification sert aussi à voir la manière dont on peut distinguer tel type de population que l'on a colonisé d'une autre type, d'un autre type de population, Claire Fredge. Alors en Algérie, effectivement, vous avez le développement de ce qu'on appelle le mythe berbère ou le mythe kabyle, où, disons, les écrits, mais pas spécialement médicaux d'ailleurs, les écrits distinguent donc des populations kabyles. Dont on pense qu'elles seraient peut-être issues des Romains de l'ancien temps, voilà, par exemple. Et surtout qu'elles seraient plus aptes à recevoir la civilisation française et notamment le christianisme. Et on les distingue donc des Arabes plus fanatiques. Et en fait, ça a plutôt une incidence sur la politique scolaire. Après, sur les questions médicales, le discours sur l'Algérie se développe beaucoup moins en ces termes que sur l'Afrique subsaharienne. Mais il y a néanmoins des endroits où se croisent ces différentes, entre guillemets, races de colonisés. C'est par exemple le Mzab, sur lequel vous avez travaillé, en l'occurrence Claire Fredge. Et dans le Mzab, dans un hôpital que l'on crée à Gardaïa, eh bien, on peut trouver... Toutes les races du Mzab s'y sont donné rendez-vous. Voilà deux juives avec un bébé de 4 ans. Plus loin, deux mozabites qui n'aiment guère s'approcher des premières, craignant de se souiller. À l'écart, deux vieilles femmes arabes qui ne se quittent guère. Enfin, voilà une petite mulâtresse d'une dizaine d'années qui rend service aux autres. Un extrait des journaux que vous avez compilés, Claire Fredge, de cet hôpital de Gardaïa à la fin du 19e et au tout début du 20e siècle. Oui, mais alors là, le côté de distinction ethnique, raciale, parce que finalement le terme race s'emploie de manière très diverse... En fait, là, c'est plutôt pour constater des différences d'acceptation de la médecine française. C'est certains groupes entrent plus volontiers dans les hôpitaux français que d'autres, en fait. Oui, et donc effectivement, on établit des classifications sous cette idée que, par exemple, les Juifs et les Juives reviendraient plus fréquemment dans les hôpitaux français, dit-on dans ces journaux, en particulier de médecins et d'infirmières de l'hôpital de Gardaïa. Les Mzabites seraient les plus réticents à venir, et puis il y aurait des positions intermédiaires entre les uns et les autres. Voilà, par exemple, et puis après, de toute façon, vous avez dans les rapports des médecins, par exemple au Mzab, des écrits qui tendent à justement montrer à quel point finalement les Mozabites commencent, les Mozabites, donc les populations a priori les plus rétives, commencent à entrer dans l'hôpital français. Alors est-ce que c'est vrai ou pas rien ne permet vraiment de vérifier, mais enfin, il y a à partir de l'entre-deux-guerres une sorte de discours extrêmement satisfait. Les Mozabites commencent à entrer à l'hôpital français. Anaïs Kien. Oui, Olivier Lecourt, Grand Maison. En réalité, on parle ici de santé publique appliquée à deux populations, les colons d'un côté et les colonisés de l'autre. Et les politiques ne vont pas être les mêmes pour ces deux groupes. Les politiques ne sont pas les mêmes parce que, pour plusieurs raisons. D'une part, dans la presque totalité ou un nombre très important de textes de médecins et d'hygiénistes, il y a au fond dans les colonies, et notamment dans les colonies tropicales, une double dangerosité. Une dangerosité naturelle liée à la corruption des eaux, à la corruption des sols, et une dangerosité humaine liée aux maladies transmissibles, celles des indigènes, donc. À quoi s'ajoute, au-delà de cette dangerosité, ce qui était signalé tout à l'heure, et ce dont nous parlions à l'instant, à savoir une sorte de dangerosité à la fois physique et morale. D'où la nécessité, effectivement, pour assurer la sécurité sanitaire des colons, des blancs, des Européens, comme on le dit à l'époque, de pratiquer une médecine de type ségrégative, et cela se retrouve dans toute une série de dispositions, et notamment dans l'organisation urbaine spatiale des grandes villes coloniales, l'organisation spatiale, où il s'agit effectivement, pour des raisons à la fois prophylactiques, pour des raisons d'hygiène publique, pour des raisons de sécurité publique également, de construire des quartiers européens d'un côté, et en général d'établir des quartiers indigènes à distance de ces quartiers européens, et de limiter également la circulation entre les deux, avec l'établissement, dans certains cas, alors que le couvre-feu peut être juridiquement sanctionné ou pas, d'établissement donc de couvre-feu le soir et jusque tôt le matin, de façon à éviter justement ces mouvements de population perçus comme à la fois dangereux pour l'ordre public et dangereux pour la santé publique. Oui, parce qu'on pense effectivement que ces indigènes sont porteurs de virus, que ces virus vont pouvoir toucher les populations européennes plus faibles. Et il y a aussi une question tout simplement économique. C'est comme l'écrit Paul Doumer quand il est gouverneur général de l'Indochine, c'est effectivement que on ne peut pas continuer, quand on est une population colonisatrice, à un tel renouvellement incessant des personnels qui tombent malades dans ces colonies, en l'occurrence Olivier Lecourt-Grandmaison. Alors effectivement, il y a un double standard médical dans la plupart des colonies, une santé publique ou médicale à destination des Européens qui a pour objectif effectivement de faire en sorte que cela puisse vivre longtemps aux colonies, et l'un des objectifs poursuivis par cela même, comme le dénonce effectivement Doumer, c'est de faire en sorte que militaires, fonctionnaires et colons demeurent longtemps aux colonies afin qu'ils puissent effectivement accomplir la mission qui est supposée être la leur, à savoir une mission civilisatrice et, comme le dira plus tard Albert Sarraut pendant l'entre-deux-guerres, essentiel, la question de la mise en valeur des colonies, c'est-à-dire de leur exploitation économique notamment. Il était ministre des colonies à ce moment-là, Anaïs Quin. Oui, Delphine Peretti, on découvre malgré tout progressivement des sensibilités différentes aux maladies, aux épidémies. On va commencer à s'interroger aussi sur la sensibilité des groupes ethniques à certains types de virus, et c'est aussi pour cette raison-là qu'on va décider de séparer les populations dans des cadres urbains, mais également dans des cadres plus ruraux. Delphine Peretti. Oui, alors il y a l'idée, notamment tout au long du 19e siècle, que les populations noires sont immunisées face à la fièvre jaune. Donc elles seraient bien plus résistantes que les populations blanches à cette maladie. Par contre, donc ce sont des maladies, des sortes de pathologies raciales en fait. Par contre, les Africains seraient plus touchés par la maladie du sommeil. Et donc Jameau va tenter de lutter aussi contre la maladie du sommeil au Cameroun. Et au début du XXe siècle, on se rend compte, avec le phénomène de déclin démographique dans les années 1920, que les populations noires sont également touchées par la fièvre jaune. Donc on va tenter d'agir aussi par le biais de la création de nouveaux vaccins contre la fièvre jaune. Donc les médecins vont essayer de lutter contre cette maladie qui est enfin reconnue, enfin les Africains sont reconnus comme vulnérables également à cette maladie. Il y a une autre idée, en fait, au-delà de cette vulnérabilité à certaines pathologies, l'idée d'une insensibilité, et ça c'est essentiellement au cours du 19e siècle, d'une insensibilité des populations noires à la douleur. Mmh. Et là aussi, on a des classifications qui se développent. Les morts du Sénégal sont considérés comme plus sensibles à la douleur que les Africains. Les morts et les Arabes du Sénégal, donc tout comme les populations blanches. Mmh. Et là encore, par rapport à cette insensibilité à la douleur, il y a finalement une comparaison du noir à l'animal, hein, l'idée d'une plus grande insensibilité du fait d'une activité encéphalique moindre. La sensibilité est liée à l'intelligence. On écoute un texte justement qui évoque justement cette question de différence de sensibilité entre noir et blanc en Afrique. Si j'envisage maintenant la sensibilité des Noirs, leur niveau intellectuel et l'action directe du soleil sur leur peau sont les faits qui doivent étayer les considérations suivantes. Plus l'intelligence individuelle du Noir est obscure, plus la sensibilité paraît engourdie. Ce n'est pas le courage qui lui fait supporter la douleur sans se plaindre, c'est l'indifférence passive. De ces êtres tout à fait abrutis par l'ignorance, la misère et l'esclavage, si l'on passe à l'indigène à peu près civilisé, un mépris complet pour la souffrance s'observe encore. Anaïs Quin. Oui, Olivier Lecourt-Grandmaison, on a là un discours sur l'infériorité raciale flagrant, mais qui croise également des considérations qu'on retrouve dans un contexte européen, prenons la France, où on a ce type de discours aussi sur les paysans, c'est-à-dire que leur constitution physique est censée être différente de celle des urbains. D'ailleurs, on a même des discours assez paradoxaux sur à la fois les avantages de la nature et de la culture, mais cette civilisation qui rend l'homme physiquement faible, alors que les travaux de la nature et les travaux des champs sont censés, au contraire, forger des corps puissants et forger des corps qui seraient aptes à assurer la reproduction de cette civilisation. Donc là, on a un croisement à la fois d'un discours colonial, mais également d'un discours un discours social et même un discours de classe, véritablement. Olivier Lecourt-Grandmaison. Oui, il y a parfois effectivement sur le plan discursif des représentations, des taxinomies qui peuvent paraître proches entre les représentations effectivement de l'indigène, notamment noir, et éventuellement du paysan français. Du point de vue des pratiques, cependant, il faut souligner, là, les différences sont majeures. En ce qui concerne les colonies, et notamment celui qu'on appelle avec un mépris souverain le nègre, son infériorité intellectuelle, supposait-elle en tout cas, est effectivement compensée d'une part par une supériorité physique, par une grande résistance à la chaleur et aux efforts physiques, ce qui, du point de vue des hygiénistes notamment, va être au principe d'une sorte de division raciale du travail, fondée sur ce constat de la supériorité physique du nègre, de l'infériorité physique du blanc dans l'économie, mais qui est compensée, cette infériorité physique, par une supériorité intellectuelle, ceci débouchant sur ce qui est presque un slogan dans les manuels d'hygiène coloniale de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Ce slogan pouvant s'énumérer et s'énoncer ainsi, l'indigène doit être le bras qui exécute et le blanc, le cerveau qui dirige. Et ceci va avoir des conséquences très importantes sur effectivement la répartition des tâches entre Européens et indigènes, et dans toute une série de domaines, y compris jusque d'ailleurs dans l'armée, où les tâches les plus dures sont confiées à des soldats indigènes. Un exemple de ce discours, celui de M. Bayol, médecin de première classe de la marine affecté au Sénégal en 1879, un extrait d'un texte écrit par Bayol. La France ne cherche pas à conquérir ses contrées. Elle ne veut qu'étendre ses relations amicales avec les peuples du Soudan, connaître les ressources qu'ils peuvent offrir à notre industrie et les faire profiter de notre civilisation. L'Européen ne pourra vivre que d'une manière passagère dans ces pays fiévreux. Le noir sera son courtier naturel. Nous avons donc toute raison de faciliter le développement de la race nègre et pas une de la détruire, comme font les Américains à l'égard des Indiens dans le Nouveau Monde. Un texte de Bayol, médecin de première classe de la marine affecté au Sénégal en 1879. Un commentaire, Delphine Peretti, sur ce texte? Oui, alors il y a l'idée, donc ça c'est en 1879, hein, mais cette idée de préserver l'indigène, justement parce qu'il peut être le bras droit, hein, il peut exécuter les tâches d'exploitation dans les territoires colonisés. Donc on retrouve cette idée avec Albert Sarrault dans les années 1920, donc qui parle de faire du noir, hein, donc je cite Albert Sarrault. Faire du noir, F-A-I-R-E, hein. Oui, F-A-I-R-E, donc faire du noir, c'est-à-dire donc préserver cette population indigène. Et on retrouve cette même expression dans les propos de Jules Card, gouverneur général de l'AOF, puis du docteur Lefroux en 1943, hein, un médecin colonial, donc qui parle également de cette idée de faire du noir. Et pour faire du noir, il faut les connaître. Donc les médecins se chargent d'analyser à la fois ces populations, mais aussi se chargent de les soigner, de préserver leur force, leur santé, parce qu'ils sont là aussi pour mettre en valeur les territoires, ce que ne peuvent faire les populations blanches, considérées comme affaiblies dans ces pays colonisés. Vous évoquez le docteur Lefroux, médecin en chef de première classe du corps de santé colonial en 1943, un extrait lu par Daniel Königsberg. Au moment, en effet, où la mise en valeur de l'Afrique noire étant à l'ordre du jour, il n'est pas inutile de préciser que la colonisation de cet immense territoire est subordonnée avant tout au facteur humain. Sans l'homo faber indigène, rien n'est possible. Alors, il est peut-être intéressant de savoir ce qu'il représente. Par ailleurs aussi, l'Afrique est malheureusement un continent qui se dépeuple. La race noire, une race qui se meurt. Et c'est pour cela qu'en fait de politique indigène, une des principales directives données par un gouvernement général de l'AOF avait été diffusée sous la forme imagée de la nécessité de faire du noir. Comment faire du noir si on ne sait pas qui il est? Anaïs Quien. Oui, Claire Fredge, on entend là ce souci naître de faire du noir, ce qui veut dire aussi les soigner et se préoccuper véritablement de leur sensibilité aux aléas du climat et aux épidémies. On a un grand moment d'inquiétude qui commence avant la Première Guerre mondiale et qui se prolonge après la Première Guerre mondiale du fait d'une grande sécheresse, notamment en AOF, de la mobilisation du départ de certains médecins. Donc tout à coup, on va se mettre à penser véritablement peut-être une politique de santé publique. Mais quelle va être la réception de ces gestes de soins de la part de l'administration coloniale, quelle va être la réception par les indigènes eux-mêmes de cette proposition, ou voire de ces obligations de se prêter à ces gestes de soins? Alors d'abord, l'entre-deux-guerres est quand même une période effectivement très intéressante, parce que c'est véritablement le moment où se mettent en place des politiques de santé publique, mais alors différentes selon les territoires, pas non plus, universellement développées, en ce sens que vous avez des campagnes d'éradication de telle ou telle maladie, par exemple de la maladie du sommeil, en AEF particulièrement, avec Armand Jameau, mais vous avez dans des colonies britanniques des luttes contre le pian, également dans les colonies belges contre la maladie du sommeil notamment. Mais ces politiques de santé publique, ça veut dire la mise en place quand même d'une politique visant à prévenir des maladies, ça veut dire mettre en place des structures, donc des dispensaires, ça veut dire embaucher des médecins, faire des enquêtes, amener des gens à se faire soigner, donc diffuser quand même une volonté de soins et la faire connaître. Elle commence, alors notamment dans les colonies françaises, au tournant des 19e et 20e siècles, avec la mise en place de l'assistance médicale aux indigènes, hein, en 1904 en Algérie, 1905 ou 4 en Indochine, etc. Alors la manière dont c'est reçu, bah, après ça dépend de la manière dont on cherche à traiter, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de... Il y a un certain nombre de travaux justement sur ces campagnes d'éradication, donc du côté médical, ce qui est mis en place, l'appareil administratif et médical, et puis les réactions, à savoir beaucoup de médecins se plaignent finalement que les populations résistent, ne viennent pas, et vous avez donc dans les analyses de ces politiques de santé publique des réflexions des historiens cherchant à comprendre finalement les réticences. Et ce qu'on aperçoit, c'est que les populations ne refusent pas forcément les soins, elles peuvent refuser la manière dont elles sont données, c'est-à-dire que ces campagnes d'éradication, bon, peuvent passer par des injections. Quand ça marche tout de suite, c'est très bien. Les campagnes de pian sont un succès. Les campagnes contre la maladie du sommeil sont plus compliquées, parce que le vaccin ou le traitement sont douloureux, que les individus sont rassemblés, parfois dans des camps, dans des lazarets. Donc pour eux, c'est une atteinte à la liberté. Et par ailleurs, ils sont effectivement rassemblés pour pouvoir être traités. Pour pouvoir être traités, mais ça veut dire aussi toute la mise en place d'un système par les chefs de village qui tentent à envoyer les populations parfois très loin. Donc vous avez aussi des désorganisations des sociétés rurales, des refus aussi de se faire examiner, et puis vous avez toute la question de la pudeur féminine, de la douleur qui est aussi à mentionner, et puis du fait que par exemple pour la maladie du sommeil, comme c'est une maladie qui progresse assez lentement, les populations ne comprennent parfois pas pourquoi il faut les vacciner, et de manière douloureuse, pour quelque chose qui n'est pas encore visible. Donc vous avez plein de faits qui peuvent expliquer les réticences, mais qui par ailleurs, ces campagnes de santé publique, d'éradication des maladies endémo-épidémiques, ne sont pas toujours des échecs, et pas toujours marqués par des refus. Oui, alors sur la question en particulier la maladie du sommeil, on peut conseiller le livre paru l'année dernière de Guillaume Lachenal, qui s'appelait Le médicament qui devait sauver l'Afrique, qui travaillait autour de cette question des réticences et aussi des inconvénients de cette vaccination de masse en Afrique. Olivier Lecourt-Grandmaison, on s'aperçoit, et vous venez de le mentionner tout à l'heure, qu'il faut, pour penser cette hygiène publique, il faut des urbanistes, il faut des architectes, il faut mobiliser toutes les sciences coloniales d'une certaine façon. Il faut mobiliser les anthropologues pour savoir pourquoi on accepte ou pourquoi on refuse une vaccination. Il faut mobiliser tout un tas de populations, que ça soit des militaires, on l'a dit au départ, mais également des religieux, puisque les religieux et les religieuses vont ouvrir parfois des dispensaires, vont ouvrir des hôpitaux et vont penser par là peut-être par ailleurs convertir les populations locales au christianisme, au catholicisme. Tout cela, ça participe d'un ensemble. C'est pour ça que cette question de la santé publique et de la colonisation est une question très intéressante, Olivier Lecourt-Grandmaison. Oui, de ce point de vue-là, l'hygiène coloniale, mais pas seulement elle d'ailleurs, mais l'hygiène coloniale en particulier, peut être effectivement considérée et analysée au fond comme une science pratique totale, parce que, comme vous l'avez dit, elle mobilise cette hygiène coloniale, toute une série de disciplines qui sont jugées par les hygiénistes et les médecins comme absolument indispensables à la réalisation de l'objectif qui est le leur, c'est-à-dire, encore une fois, assurer la sécurité sanitaire des Européens, tout d'abord, et soigner les populations indigènes. Et parmi les sciences mobilisées, il y a effectivement, évidemment, la médecine, les statistiques, l'ethnographie, l'ethnologie, la psychologie ethnique. La géographie et l'histoire, la raciologie, la craniologie. Et cette science pratique totale, donc l'hygiène coloniale, l'est aussi parce que, afin d'assurer la sécurité sanitaire des Européens, cette science pratique couvre l'ensemble des espaces, si je puis dire, et considère ou fait de la société coloniale ou traite la société coloniale comme une sorte de gigantesque corps, à la fois physique, politique, social et urbain, et va développer toute une série de prescriptions qui concernent à la fois la sphère de l'intimité, la sphère domestique, mais également évidemment le travail, la conception de la ville coloniale, jusqu'à la conception évidemment de la maison coloniale qui doit obéir, pour des raisons d'hygiène et de relations aussi parfois avec les indigènes, qui doit obéir à un certain nombre de règles, notamment là, encore une fois à l'intérieur de la parcelle des Européens, la mise à distance des domestiques. Mmh. Anaïs Kien. Mais d'ailleurs, on s'interroge, Olivier Lecourt-Grandmaison, sur la volonté ou la bonne volonté des médecins de venir travailler en milieu colonial, de former même peut-être d'autres personnels soignants, et aussi cette puissance, ce pouvoir qui leur est incombé, étant donné qu'ils vont devenir prescripteurs d'absolument tout, finalement, dans la vie, dans tous les registres de la vie. Oui, dans tous les registres de la vie, je le disais, ils se font conseillers sexuels, ils se font conseillers matrimoniaux, conseillers sexuels notamment parce qu'il ne s'agit pas simplement de proscrire ou de chercher à proscrire les relations interraciales, il s'agit aussi dans les colonies de faire en sorte que les couples européens aient une activité sexuelle moindre que en métropole, notamment parce qu'il y a, outre l'indigénisation, un spectre qui hante absolument les hygiénistes. C'est celui de l'hyperthermie, de la chaleur. L'idée étant globalement que, en raison du climat tropical, il faut tenter de réduire au maximum les activités physiques des Européens. Et parmi ces activités physiques, il y a la sexualité. Donc toute une série de règles très précises, effectivement, sur la sexualité intra-européenne, si je puis dire, et la sexualité interraciale. Des prescriptions très précises relativement, par exemple, à l'organisation de la journée, avec un réveil qui doit être tôt, un temps de travail qui est accordé aux modifications de la température au cours de la journée, des prescriptions très précises en matière d'alimentation, et enfin des prescriptions très précises également en matière vestimentaire, avec ce fameux casque colonial qui va jouer un rôle très important à la fois sur le plan pratique et symbolique. Mais est-ce que le corps médical va se porter volontaire pour cette mission civilisatrice aux colonies? Est-ce qu'on recrute facilement des médecins pour faire tout ce travail de prescription pour installer les colonies et pour les entretenir dans l'espace impérial français? Alors, tout d'abord constater ceci, que la formation des médecins coloniaux en France débute, comparativement à la Grande-Bretagne, relativement tardivement en tout cas, et avec un retard certain, compte tenu de la durée des études, de leurs difficultés, de la sélection de ces mêmes études et de ces parcours académiques et universitaires. Il va, si je puis dire, manquer toujours un nombre significatif de médecins. Peut-être d'ailleurs aussi que la dangerosité des colonies freine éventuellement les médecins et leur vocation. Il faut quand même rappeler ceci, contrairement à une certaine mythologie impériale républicaine que la couverture médicale dans les colonies, relativement aux indigènes, est toujours demeurée très en deçà des grands discours, et que cette couverture médicale était sur le fond concentrée dans les grandes métropoles ou moyennes métropoles coloniales et concernait encore une fois, d'abord et avant tout, les Européens. Alors, évidemment, vous avez travaillé, Claire Fredge, sur les femmes médecins en Algérie et sur une femme médecin en publiant son journal, le journal Une femme médecin en Algérie, chez Belin en 2015. Elle s'appelle Dorothée Chelier. Elle est, ou Chelier, je ne sais comment on prononce, elle est la première femme médecin d'Algérie. Entre 1895 et 1899, elle va publier 3 rapports à la demande du gouverneur général d'Algérie dans les ORS. Donc, le gouverneur s'appelle Jules Cambon et dans ses rapports, elle dit qu'on ne peut espérer l'acclimatement de nos mœurs dans un milieu réfractaire sans atteindre la femme dont l'influence est grande chez leur fils en particulier, avec ce slogan « Agir sur la femme par la femme ». Oui, alors ça c'est un des aspects de la geste médicale dans les colonies, mais je voudrais revenir sur ce que disait Olivier Lecourt Grandmaison, avec évidemment un surinvestissement dans les territoires urbains, mais de plus en plus à partir du début du XXe siècle, une volonté de ruraliser quand même la santé publique. Alors, il y a de manière très claire une énorme différence entre les projets et les réalisations. Et je pense qu'il ne faut pas non plus mythologiser, là pour le coup, mythifier les réussites dans l'Empire britannique. Les questions de formation de médecins coloniaux se posent de la même manière dans les deux empires, avec des difficultés de recrutement, mais pour le coup, bon, les médecins coloniaux français sont des médecins militaires ou des médecins de la marine, et puis qui ensuite sont de plus en plus formés dans le service de santé des troupes coloniales. Mais enfin, en général, on retrouve des médecins militaires. Mais disons pour cette question de la faible présence en fait des médecins en territoire rural colonial. Par exemple, dans un chiffre qui me revient, c'est au Nigeria dans les années 20, les Britanniques visaient à un médecin pour 200 000 habitants, ce qui est quand même pas grand-chose. Et un quart des médecins ne sont pas trouvés. Et dans 1936, vous avez 1000 médecins qui travaillent dans l'ensemble des colonies britanniques, africaines. Donc vous avez par ailleurs des chiffres, un sous-encadrement. En Indochine, au début du XXe siècle, vous avez un médecin, on va dire, français pour 160 000 habitants. Dans les années 30, un médecin pour 60 000, donc colonie française. Vous avez donc, de toute façon, des empires marqués par le sous-encadrement. Ce qui veut dire que pour faire appliquer des programmes de santé publique, les médecins étant peu nombreux, il va s'agir de former des auxiliaires. Mmh. Et les auxiliaires, on commence à les former. Alors, en Inde, relativement tôt, dans la deuxième moitié du 19e siècle, en Algérie, à partir de 1904, officiellement, et puis progressivement dans les autres colonies. En Indochine, ça peut préparer qu'en Algérie. Donc des auxiliaires qui sont masculins. On cherche aussi à former des auxiliaires féminins, mais c'est plus difficile. D'où ce que vous disiez sur, effectivement, Dorothée Chelier, mais qui est une femme médecin dont on espère justement qu'elle va pouvoir initier les femmes, ouvrir finalement l'espace féminin à la médecine. Vulgariser en pays arabe les notions élémentaires de l'art des accouchements. Voilà, mais pas seulement, parce qu'on cherche également à le faire dans les colonies africaines. On cherche également à le faire en Inde. Et en Inde, les Britanniques ont envoient un certain nombre de femmes médecins qui arrivent dans le cadre de formations diverses à former soit des médecins femmes indiennes, soit des auxiliaires féminines indiennes. On a bien compris effectivement qu'entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, les positions évoluent, en particulier vis-à-vis de ces administrés de la colonie. Et c'est l'exemple, par exemple, de ce texte de Richard Bruneau qui explique au Conseil d'administration du territoire, début 1940, il est gouverneur général du Cameroun, ce qu'il souhaite faire justement avec la médecine coloniale. J'ai voulu, en donnant à ces médecins la direction de cette région, marquer ma volonté d'accorder en toute chose la primauté absolue à tout ce qui est humain. Avant de mettre en valeur la terre, il faut produire les hommes, et pour cela, quelle meilleure méthode que d'en confier la tâche à des techniciens de la santé. Leur politique sera essentiellement axée sur l'épanouissement des corps et le développement des familles. Ils feront, en un mot, de l'administration médicale, prévoir, élever, nourrir, guérir. Ainsi se définit leur rôle. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire consacrée dans notre semaine sur la santé publique, sur les rapports de santé publique et de colonisation. Delphine Peretti, on voit bien que les années 30, les années d'entre-deux-guerres, comme le disait tout à l'heure Claire Fredge, sont des années importantes d'évolution, du regard porté sur les colonisés et peut-être sur la nécessité effectivement de trouver en eux des auxiliaires à la médecine coloniale. Oui, alors des auxiliaires à la médecine coloniale, mais pas uniquement, parce que justement, enfin, dès 1910, le général Mangin écrit un ouvrage qui s'intitule La Force Noire, où il présente l'intérêt d'utiliser en fait les soldats africains pour renforcer les bataillons français. Donc ça, c'est dès 1910, donc avant même l'entre-deux-guerres. Donc cette idée de valoriser l'homme noir, d'utiliser l'homme noir pour l'armée française sur le terrain européen, mais aussi en Afrique dans les guerres coloniales, notamment au Maroc dans les années 1920. Donc un auxiliaire pour les troupes françaises en Afrique, mais aussi en France. Donc un auxiliaire pour l'exploitation des territoires. Et effectivement, le médecin, comme le disait Olivier Lecourt Grandmaison, se fait un expert en fait dans tous les domaines à cette époque. Il se fait, mais aussi en France à la même époque. Donc il se fait moraliste, conseiller de vie conjugale. Il est là pour veiller à la santé des individus, donc en prévention, mais aussi dans le traitement de cette santé. Anaïs Quin. Voilà. Oui, Olivier Lecourt-Grandmaison, on a très peu parlé finalement jusqu'à présent des débats qui naissent en métropole sur ces questions de santé publique dans les colonies. Vous citez dans votre ouvrage notamment la protestation de Victor Schœlcher en 1880 au Sénat sur les questions de travaux domestiques, mais toute cette littérature qui a l'air extrêmement riche et que vous exploitez tous dans vos recherches est extrêmement massive et pourtant pas seulement univoque, c'est-à-dire que des débats entre les penseurs de ces politiques de santé publique se sont fait jour et ont animé aussi la recherche sur ces questions-là. Le débat auquel vous faites allusion est un débat effectivement important et qui a trait en partie à ces conceptions sur la division raciale du travail. Le débat auquel vous faites allusion est effectivement un épisode ou un élément, plus exactement qu'un épisode, à mes yeux relativement peu connu. 1880, en effet, c'est une intervention de Victor Schœlcher au Sénat, donc noble assemblée, si je puis dire, républicaine, mais noble néanmoins, qui prend la parole pour protester contre le maintien de l'esclavage traditionnel, ou appelé aussi esclavage de case ou esclavage domestique, notamment dans les territoires de l'Afrique occidentale française. Pour le dire très rapidement et ainsi, effectivement, étant donné la très rapide expansion française, notamment en Afrique de l'Ouest, la métropole, comme les fonctionnaires colonisés sur place, vont être confrontés à l'esclavage domestique, l'esclavage traditionnel. La question qui se pose à eux, ou les questions qui se posent à eux, peuvent se formuler ainsi. Que fait-on de cet esclavage traditionnel ? On l'abolit tout de suite, on l'abolit à terme, ou on ne l'abolit pas du tout ? La réponse va être très vite, on ne l'abolit pas du tout. Pour des raisons qui sont des raisons politiques, parce que des chefs indigènes possèdent parfois de très nombreux esclaves, et qu'on ne veut pas les déstabiliser d'un point de vue politique, économique et social. Pour des raisons économiques, en effet, parce que dans le cadre des réquisitions et du travail forcé, un certain nombre de ces travailleurs requis sont des esclaves, tant et si bien qu'effectivement, les autorités coloniales dans ces territoires ne vont pas simplement contempler l'esclavage de case, mais vont en tirer des profits tout à fait substantiels. Et ce, très tardivement, et en dépit d'un certain nombre de conventions internationales tendant à l'abolition des esclavages, convention de 1926. Et il faut rappeler que lorsque le très célèbre journaliste Albert Londres va effectuer des enquêtes dans cette partie-là de l'Empire français, notamment en Afrique de l'Ouest, qu'il rentre en France et publie Terre d'Ébène, il constate en 1929 qu'effectivement, l'esclavage traditionnel continue d'exister dans les territoires dominés par la France, et ajoute-t-il d'ailleurs, dans les territoires dominés par la plupart des grandes puissances coloniales de l'époque. On vient d'évoquer, Delphine Peretti, Terre d'Ébène, mais on pourrait parler du voyage de Gide au Congo ou d'autres types de textes de ce type-là, et qui, d'une certaine façon, disent que, par exemple, cette idée reçue de la force et de la capacité des Noirs à tenir sous des climats sur lesquels les Blancs ne tiendraient pas, ça ne marche pas, parce que le travail forcé qu'on leur inflige les tue en très grand nombre, 17 000 morts pour la fabrication du chemin de fer Congo-Océan. Donc, on change de regard, justement, on fait évoluer le regard dans ces années d'entre-deux-guerres vis-à-vis de cette supposée force herculéenne des Noirs africains. Donc effectivement, on se rend compte d'une certaine vulnérabilité aussi de ces corps. Alors grâce à la littérature coloniale, à de nombreux témoignages, mais aussi au rapport de médecins coloniaux, la médecine coloniale fait aussi en quelque sorte évoluer le regard sur les indigènes, puisque elle donne des rapports, des constatations justement de la fragilité de ces peuples et d'une vulnérabilité qui n'était pas reconnue au XIXe siècle. Donc effectivement, cela fait évoluer le regard sur l'autre, mais aussi les politiques de santé publique, le développement d'instituts Pasteur aussi dès les débuts du XXe siècle, en Afrique. Pour mettre en place des vaccins, comme je le disais tout à l'heure, des vaccins contre la fièvre jaune notamment. Donc lutter, essayer de préserver, de protéger ces indigènes, pour mettre en valeur les territoires, pour la construction des chemins de fer, mais aussi, comme je le disais, pour l'utilisation de ces forces dans les troupes coloniales. Est-ce que ce regard évolue aussi dans l'Algérie coloniale, que vous connaissez très bien, Claire Fredge? Dans l'Algérie coloniale, il y a quand même jamais eu des discours aussi violents que pour l'Afrique. Mais moi, je voudrais faire trois remarques, par rapport à ce qui a été dit. C'est d'abord que la vaccination, pour le coup, commence dès le début de l'arrivée des Européens sur un territoire à partir du début du XIXe siècle. C'est-à-dire, c'est vraiment la première, la plus massive, et longtemps la principale, politique de santé publique. Dans les colonies. La deuxième, c'est justement la question de l'entre-deux-guerres et finalement, les Noirs ne sont pas si résistants, et vous aviez parlé du déclin démographique qu'on constate. Et faire du noir, ça va vouloir dire mettre en place des politiques de santé publique, et notamment dans les colonies belges, mais pas seulement, dans les colonies françaises, sur des politiques d'assistance aux mères et aux nourrissons. C'est-à-dire faire en sorte que les femmes accouchent de bons futurs travailleurs. Et puis, il y a un troisième point, c'est sur ce que disait Olivier Lecourt-Grandmaison, sur le rapport aux sociétés traditionnelles. Et comment, finalement, insérer des politiques dans les sociétés traditionnelles. Alors, la question de l'esclavage, je ne la vois pas spécialement, mais il faut quand même avoir en tête que la santé publique européenne, telle qu'elle s'insère dans les sociétés traditionnelles, est relativement limité au regard des populations, traditionnelle généralement. Et qu'elle est donc ultra minoritaire au regard de toutes les pratiques traditionnelles qui perdurent. D'ailleurs, il y a une volonté quand même à un moment donné, notamment d'éradiquer les matrones, c'est-à-dire les accoucheuses traditionnelles rendues responsables de la mortalité des enfants et éradiquer, des mères. Éradiquer, ça. Ou en tout cas de les remplacer. Français n'ont jamais eu l'espoir que rapidement ça allait marcher, mais effectivement il y a l'idée de à partir souvent des matrones indigènes qui ont quand même une compétence, en tout cas on le suppose, à partir de ces femmes, arriver à les amener dans des lieux de formation où elles pourraient s'initier aux bonnes pratiques de l'obstétrique européenne. Mais il y a jamais eu vraiment de l'argent tout simplement et une politique claire pour éradiquer les soignants indigènes. On essaye de les exclure des soins aux populations européennes. Après, les indigènes, s'ils veulent se faire soigner par leurs soignants traditionnels, il n'y a aucune loi qui l'empêche. Olivier Lecourt-Grandmaison, il reste beaucoup de terrain à parcourir dans ce domaine de la médecine coloniale, de la santé publique sous la colonisation. Vous pensez que c'est un champ de recherche qui est ouvert pour de jeunes chercheurs qui voudraient s'y intéresser et qui a sur l'ensemble des colonies, et peut-être en comparant, parce que ce que disait Claire Frege est très intéressant, cette comparaison avec les autres empires, un travail à mener. Je crois que c'est un champ extrêmement intéressant, justement parce que c'est un champ qui couvre à peu près tous les aspects. Ce que je disais tout à l'heure, une science pratique totale, donc qui couvre tous les aspects de la sphère privée, en passant par la sphère domestique jusqu'évidemment au travail, l'espace public et l'organisation urbaine. Et effectivement, je crois intérêt aussi de mener des études comparatives, notamment parce que en matière d'hygiène coloniale, comme en matière d'urbanisme d'ailleurs, et contrairement à une certaine mythologie, là encore nationale républicaine, de très nombreux médecins s'inspirent beaucoup des pratiques et des dispositions adoptées par les Britanniques. Alors sans mythifier là non plus la médecine britannique, mais on assiste effectivement à des transferts de connaissances, notamment par le biais parfois de traductions de manuels d'hygiène coloniale. Sur ce point, Claire Frege, sur la possibilité de comparer les empires coloniaux entre eux, que ce soit l'Empire espagnol, l'Empire français, l'Empire portugais, l'Empire britannique. C'est tout à fait intéressant en termes de mise en place des politiques elles-mêmes, de réception par les populations, et puis il y a tout un pan à faire qui relève de l'anthropologie, de la sociologie, c'est justement la question des réceptions par les individus eux-mêmes de ces politiques, et il y a quelques champs qui se développe, je pense notamment aux travaux récents de Laurence Monnet, qui a fait un livre sur les médicaments coloniaux et qui essaye de voir finalement comment le médicament occidental est accepté ou pas en fonction justement des traditions médicales pouvant exister au Vietnam. Un dernier mot, bref, sur ce point, Delphine Peretti, depuis Aix-Marseille. Oui, alors il serait intéressant aussi de voir la perception des populations africaines elles-mêmes à l'époque, hein, donc au niveau des résistances notamment, mais aussi du rapport avec les médecins eux-mêmes, hein, donc dans les tournées, notamment sur les territoires. Voilà, peut-être il serait intéressant aussi de développer cet aspect-là. Merci à vous, Delphine Peretti. On attend avec impatience la publication de votre thèse « Corps noir et médecins blancs ». Ça sera dans quelques temps. On peut conseiller la lecture, entre autres, de Claire Frege du journal d'une femme médecin en Algérie, publié chez Belin l'année dernière, et d'Olivier Lecourt Grand Maison, c'était il y a 2 ans, L'Empire des hygiénistes, vivre aux colonies chez Fayard. Merci à vous, Daniel Koenigsberg, pour avoir lu les textes aujourd'hui. Cette émission, comme d'habitude, est préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marseille. Nous remercions Kilian Akar à Aix, à la technique, et puis également à Paris, Jean-Guy Lamège, et à la réalisation, Anne Fleury. Demain, nous continuons et terminons cette semaine consacrée à la santé publique et à son histoire en nous intéressant à la question de la maternité au 19e siècle, l'hygiénisme, et là, en l'occurrence, sur les territoires métropolitains. Quels sont les apports, justement, du travail des hygiénistes à la question de la maternité? Comment protège-t-on la femme et l'enfant? C'est une des questions que nous poserons demain dans cette émission conclusive de notre série sur l'histoire de la santé publique.